moi à ta place, j'irai lever des moutons. Cool, mais qu'on se calme, trouve-toi une vie plus stable que celle où tu t'emmerdes à jouer les darons. En fait, ouais, il y a un problème de synchro. Ouais. Et du coup, après, on tombe pas sur les bonnes mesures. Pas. C'est pourtant simple. Hein. C'est pas évident parce qu'il faut pas qu'il y ait de couplets, faut pas qu'il y ait de refrains. Ouais, ouais, faut rester sur un truc qui tourne. Ouais. Ouais. C'est plusieurs fois 32, mais... Je ne vais pas chanter ça. T'es peur. J'ai mal à la gorge. Je suis en train de m'étouffer, moi. Ha ha ha. Bruce Springsteen. Tu passes ton temps à fuir le monde et son image, à ne pas accepter. En canon. Chercher une clope.